je te vois, oui. Pas de problème. Oui, oui. Oui. Bah, écoute, c'est difficile parce que je téléphone, j'ai le... Comment ? Oui. J'entends bien la guitare, mais c'est un peu faible, hein. Allô? J'entends bien. Tu peux parler? Et alors, je ne t'entends pas, moi. Parce que j'entends ta guitare.